qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Épisode 2. Celui qui pense n'avoir pas d'autre solution que de traverser, est en face, assis sur un baril, de celui qui peut le faire traverser. Non, de celui qui n'est qu'un intermédiaire entre lui et son désir de traverser. Un intercesseur auprès de la toute-puissance qui fait traverser. Un à qui échoua le devoir de faire traverser. Un qui tente chaque fois de dissuader. Un qui ne part plus, mais qui se fait payer parce qu'il sait. Un qui a déjà vu le désastre. Un qui est même allé de l'autre côté. Tu crois qu'il y a de l'or là-bas ou quoi? Tu crois à ça? Je crève ici, je crève. C'est impossible de continuer, ça ne peut pas être pire là-bas. Là, tu te trompes. Si on se fait attraper, je sais, mais je ne vais pas me faire attraper. Je veux un travail pour que les jours se ressemblent. Même avec un travail, tu dois te cacher et on te méprise. Et ici, je suis quoi? Un fils? Tu parles, juste un moustique sur un marécage. C'est ta terre. Elle me tue, ma terre. Elle m'empoisonne par les pieds, par la bouche, les oreilles, le trou de balle. Tu connais les usines de conserve? Je veux plus travailler là-dedans. On gagne une misère, on se nourrit avec des déchets de poisson, on dort sur des cartons là-bas. Tu le sais, ça, il faut un espoir. Tu as l'argent? Oui. Montre combien. J'ai la somme. Combien? 50 000. 50 000, c'est pour la traversée seulement. La traversée seulement? Oui, la place, le riz, le sucre, l'eau, le gilet. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a l'argent pour le graisseur et l'argent pour le camp après. J'ai un peu plus. Combien? 10. Il faut au moins 20 ou 30. Tu montes pas. Et le pêcheur l'invite à se lever et partir. Tu n'as pas compris, dit l'autre? Si, parfaitement. Tu vas rassembler la somme, ça vaut mieux, crois-moi. Si tu n'as rien pour le graisseur, on te laissera tomber, ce sera la prison directe. Et il lui montre les collines comme s'il l'invitait à y entrer. Le regard plein d'égards. Celui qui veut traverser manque de saisir à la gorge cet ange bienveillant. Il se retient, il n'y a pas de retour possible. Il lui demande si c'est bien lui, le pêcheur marin. Il répond à moitié, il dit oui, je suis pêcheur, un des derniers ici, je peux t'apprendre la mer. « Il n'y a plus de poisson, dit l'autre en sautant du baril. Il n'y a plus rien, ni dans l'eau, ni dans la terre. Il nous reste l'air, mais il pue. » Pour aller sur mer, comme ça reprend le pêcheur en s'éloignant, il faut qu'elle te connaisse, qu'elle t'adopte, sinon elle t'avale. Et disant cela, il est déjà loin, et l'autre crie en le rattrapant. « Prends l'argent, donne le mot de... » Il n'a pas le temps de finir, car il reçoit plusieurs coups au visage et sur la tête. « Tais-toi, imbécile! Tu veux que tout le monde sache ce que tu trimbales, mais crie-le plus fort !» Et il plante ses yeux dans les siens, lui qui l'avait à peine regardé, le tenant par la chemise. « Tu veux qu'on te prenne tout? Ça arrive tous les jours, ça. Tu ne le sais pas? Tu lis les journaux? Tu me connais, moi? Tu me connais pas? Tu crois qu'il y a un service public dans cette baie? Qu'on est tous frères, tous amis? Il y en a qui sont revenus parce que la tempête les avait repoussés, revenus entiers, mais anéantis par plusieurs jours de traversée. Des pêcheurs du coin leur sont tombés dessus, ne leur ont rien laissé, à peine leurs vêtements. Mais de quel village de demeurée tu viens? On t'a dit que je m'appelais Marin? Oui. Tu peux m'appeler comme ça, mais je ne peux rien pour toi. Je t'ai dit ce que tu devais savoir. » Donc il y en a un planté dans le sable et la bouche saignant légèrement, et un autre qui le regarde marcher maintenant vers une espèce de terrasse, une buvette avec des types attroupés. Peut-être ont-ils observé la scène de loin. Peut-être vont-ils s'approcher. Le cogneur continue de le regarder s'éloigner. Il lui crie « Yamal !» L'autre se retourne. Non, il y en a un qui pense à ce départ nuit et jour depuis qu'il l'a décidé, qu'il a réuni les fonds, tellement qu'arrivé sur le ponton, il saute dans une barque comme s'il était pêcheur. Avec évidence, avec habitude, lui qui est déjà parti depuis longtemps de l'autre côté, comme s'il avait répété 1000 fois ce geste. Il arrive et se met à la place qui est la sienne. Et ils sont déjà nombreux. Le chef lui dit de se mettre là plutôt, c'est mieux. Il enjambe facilement ceux qui cuisent là depuis le matin. On l'a reconnu, inutile de se présenter. Ceux qui sont là savent. Ceux qui sont là se reconnaissent du regard, se reconnaissent à l'odeur. On n'arrive pas dans cette crique sans savoir, on n'est pas étonné, on s'assoit. On prend le sac en plastique, il n'hésite pas, ne demande rien. Est-ce que les âmes au seuil de l'enfer ont besoin de dire quoi que ce soit, ont besoin de montrer leurs papiers? Il faut juste que Caron prenne le denier qu'on a placé dans leur bouche. Et le voilà d'ailleurs. Non, il y en a un qui dort enroulé près de l'embarcadère et un autre qui le réveille de loin avec une perche en tapotant la plante de ses pieds, criant « Le train est arrivé, tu as ton passeport ?» Le dormeur se demande où il est. « Ton passeport, répète Moïse, le train est arrivé !» Il le regarde, lui et son bâton, lui et son équipage qui semble l'attendre. Il se lève et répond « Yamal !» La perche alors se rétracte dans la barque, signe qu'il peut prendre place. « Il t'en reste ?» demande le gondolier. « J'espère !» ajoute-t-il avant d'avoir la réponse. « Sans graisse, t'es foutu. »« J'ai ça, » dit-il en enlevant sa chaussure droite pour libérer les billets glissés sous sa semelle. « Un conseil, trouve une autre planque, » dit le nocher, évaluant la liasse par-dessus ses lunettes, tout en se demandant comment ils feront pour manœuvrer avant de pouvoir allumer le moteur si la barque se remplit à ce rythme. « Il faudrait larguer les amarres. Il n'y a pas assez de fond, elle risque de s'échouer sous le poids des arrivants. » Il consulte sa liste, 62, le comptier. « Le trou à l'arrière, c'est pour les besoins. » Les rationneries seront distribuées une le matin, l'autre le soir, pareil pour l'eau. Ne me demandez pas combien de jours ça va durer, je ne sais pas. 3, 4, 5, peut-être plus, peut-être moins, vous verrez. Il y a des pieds et des mains qui poussent le ponton. On s'aide aussi avec des rames. Ça y est, la barque s'éloigne un peu. On n'allume pas encore le moteur. Le guide pousse avec la grande perche et l'esquif avance, ses assistants assurant la dérive. Puis d'un rocher qu'ils viennent de dépasser, il y a deux types qui plongent, personne ne les a vus venir. Puis trois, ils foncent vers la barque. « Qu'est-ce que vous faites ?» crie le chef. « Démarre !» dit-il en montrant le moteur, mais les nageurs s'accrochent déjà à la coque. Ça commence à secouer tous ces assauts. « Pas de pitié pour les pirates !» Les rames commencent à frapper les têtes qui arrivent. Le moteur tourne enfin. « Éteins, éteins !» hurle le capitaine. « On va les hacher !» La barque s'arrête. On tape les assaillants à grands coups de pagaie, les mains accrochées au rebord, puis les crânes. Le carnage commence là. « Ce sont des fous !» crie le chef. « J'ai jamais vu ça. Vous êtes malade, vous. C'est pas un bus !» Il y en a un qui secoue une boîte en plastique pour montrer qu'il a de l'argent. « Vous êtes des fous. Vous voyez bien que le bateau est à bloc. Rentrez chez vous et priez pour nous. Redémarre et fis ça maintenant. Le premier qui touche à la coque, je l'ampute. » Et il sort une machette de la proue. « C'est compris ?» La pirogue reprend son cap autour de 5 tonnes de viande humaine à bord. On n'entend plus que le bruit du Yamaha. Le soleil est encore haut, petit vent, mer peu agitée. Tous se taisent, écoutent cette paix. Il n'y a que le GPS qui sache où ils vont. Très vite, les corps se relâchent, s'affalent les uns sur les autres, s'affalent sur leurs 50 cm d'espace vital, luttent déjà contre l'engourdissement et la nausée, en attendant la soif et les brûlures. Un vent de face atténue légèrement l'épreuve, caresse fraîche et apaisante. Le rivage n'est déjà plus identifiable. Un qui veut traverser. De Marc-Emmanuel Soriano. Lu par Jacques Bonafé. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamandour.